Bon, faut bien quand même que je commence à enregistrer des trucs. Même ma mère s'enregistre en train de jouer du piano. Il faut bien que je me décide à enregistrer des sons, mais des sons de quoi? Parce que je sais pas du tout par où commencer, j'ai vu que j'ai pas de plan, ben. Bon, maintenant ça fait plus de 2 semaines que j'ai ce truc avec moi, que je regarde tous les jours, et puis ben, j'arrive toujours pas à commencer à enregistrer ce qui se passe, parce qu'en fait il se passe rien. Bon, déjà j'ai fait une liste des trucs qu'il faut que je fasse avant de partir. Mais en fait, il n'y en a pas tant que ça, ou alors c'est parce que j'en oublie plein, ou. Mais en gros, quoi, il faut résilier mon électricité, mon abonnement internet et déménager. Et j'ai fait un truc hier de ma liste, c'est acheter des lentilles parce que j'aurai plus de mutuelle. Voilà. Bah, en fait, enfin, j'ai rien d'autre à prévoir puisque j'ai pas de plan. Bon, si je me suis retrouvée à parler toute seule dans un micro, c'est surtout parce qu'au début, j'osais vraiment pas demander aux gens si je pouvais les enregistrer quand on était en train de parler. Alors que j'ai enfin réussi à enregistrer mes collègues l'autre jour en le cachant dans ma poche. J'ai un Tu l'as peu fait, tu honte. l'as caché. Ouais, je l'ai caché, j'ai honte. Je l'ai fait parce que j'osais pas leur demander et que. Il y avait deux collègues de passage, je savais qu'ils allaient forcément me poser la question, donc je me suis dit c'est le moment parfait pour les enregistrer en train de me poser des questions. Tu posais la question de quoi? De genre, qu'est-ce que tu vas faire en Grèce, pourquoi tu pars et tout. J'étais sûre qu'ils allaient me poser exactement les questions que tout le monde pose, et du coup, bah, ils ont fait exactement ça. Donc, du coup, j'ai raconté un peu, genre, mon truc. Et du coup, voilà, je les ai enregistrés en cachette, et après, je l'ai éteint. Enfin, je l'ai arrêté, je l'ai gardé dans ma poche toute la journée. Et le soir, en le sortant, je me suis rendu compte que comme je l'avais pas. J'avais juste coupé l'enregistrement, mais je l'avais pas éteint, j'avais utilisé toutes les piles. Ah merde. Du coup, tu leur as dit que tu les avais enregistrés après? Non. Ils le savent toujours pas. Non, du coup, je sais pas si je vais oser l'utiliser. Parce que je me dis, oh là là, si jamais un jour ils l'entendent, ils vont se dire, oh, elle nous a enregistrés. En fait, du coup. J'ai pas encore réécouté, et en plus, je parle plus fort qu'eux. Donc du coup c'est pas ouf, je sais pas si je vais réussir à égaliser tout ça. Mais bon, elle me plaisait bien cette petite discussion volée avec mes collègues pendant qu'on mangeait des sandwichs, alors je l'ai gardée. Semaine, tu pars en Grèce alors ou pas? Oui, je pars en Grèce, Raconte un le peu. 1er mars. Pour combien de temps? Je pars 11 mois. Ah oui, tu savais pas? Non, je savais que tu partais, mais je me rappelle pas si c'était 3. Non, 11 mois. Tu vas élever des chèvres, tu vas. Alors, il n'y a pas Faut beaucoup de autant chèvres que. dans Athènes. Donc, a priori, non. C'est Athènes même. Je vais à Athènes. Mais le but c'est. Enfin, tu veux. Tu veux faire quoi? Tu veux faire des études sur l'histoire ancienne ou. Ah non. Non, non. Juste Je changement de paysage. veux juste ouais, voir du soleil, prendre du temps pour moi, C'est bien. découvrir une autre culture, apprendre le grec. En fait, je vais souvent en Grèce, donc là, j'aimerais pouvoir parler D'accord. grec. Les gens parlent très bien anglais là-bas, mais juste c'est pas la même relation que t'as si tu parles la langue du pays ou si tu parles anglais. Et donc C'est cool. voilà, il n'y a pas de plan Ah bien. à part partir. C'est une année sabbatique que tu prends? Oui, c'est ça, c'est un congé sabbatique. C'est quand même génial. C'est beau la loi française, hein. Je pense pas que ça existe dans beaucoup de pays. Non. Et au bout de 3 ans de présence dans une entreprise, tu peux te demander à prendre un congé sabbatique de 6 à 11 mois. Donc du coup, t'es pas payé, mais ton poste t'attend. Quand tu reviens, ton employeur doit te redonner le même poste ou une fiche de poste équivalente avec le même salaire. Et donc dans les entreprises de plus de 300 salariés, on peut même pas vraiment te dire non, on peut juste te demander de décaler un peu. Et dans une entreprise de moins de 300 salariés, qui est notre cas, on peut te dire non si en gros, Si si ça met en l'employeur danger. prouve que ça met en danger le développement de l'entreprise, que genre t'es quelqu'un de trop essentiel pour pouvoir partir comme ça pendant 6 mois. Dommage. Et là, il dit dommage parce qu'il est un petit peu plus essentiel que moi dans cette boîte. Bon, petit à petit, j'ai pris un peu confiance et j'ai davantage osé sortir mon micro. Par exemple, devant ma grand-mère. Bon, c'est un peu plus facile parce qu'elle a l'habitude de raconter ses souvenirs à mon frère qui l'enregistre. Et donc, un soir, j'ai posé mon micro sur la table pendant qu'on était en train de dîner. D'où les merveilleux bruits de raclement de cuillères dans les assiettes à soupe. Alors, ça te fait quel âge ? À votre âge. Eh ben, j'ai 28 ans. Bientôt 29 et bientôt 30 après. Qu'est-ce que je faisais, moi, à 29 ans là ? À 29 ans, vous aviez déjà 29, 30, vous aviez déjà 4 enfants, vous aviez largement de quoi vous occuper. Attends, les lessives, wow, 4 enfants ? Le jardin, oui, tu vois un peu. Et tu faisais quoi tes journées à 29 ans ? Ah bah ouais, t'es bien occupé. Ça, c'est pour mon micro à moi, ça. Enlève le tien. Alors, lessive le lundi. Oui, le mardi. Repassage. Le mardi, ça séchait, alors c'était les écritures. Voilà, le mercredi, repassage. Parce que j'étais quand même la bonne de mon mari. Moi, j'ai dit, tu m'as jamais payé, hein. Toujours la preuve que quand il est mort, ben moi, rien. Pas d'argent, pas de métier, pas de... je sais pas quoi. Ben, femme d'artisan, c'est tout le problème des femmes d'artisan. Ah ben, c'est... Oh, alors... Alors, tu disais mercredi, repassage. Ben, en principe, c'était pas ordinaire, ça. Ce mardi, j'écrivais. Des fois, ça suffisait pas, ça dépend ce qu'il y avait à écrire et tout ça. Quand tu dis d'écrire, ça veut dire que tu faisais les comptes, des trucs comme ça. Oui. Et puis la couture, le tricot, j'en ai pas fait beaucoup parce que c'était long et ça. Mais la couture, j'en ai fait. Les devis et les factures. Alors, finis de raconter tes projets pour que mamie sache tout. Oui, alors quelle était la question ? La question c'était, raconte-nous, quand est-ce que tu pars ? Tu vas partir à Athènes. Bon, alors, quand est-ce que tu pars ? Qu'est-ce que tu fais ? Pour combien de temps, etc. Alors, je pars mercredi. En bus. Et je vais d'abord à Prague. Je m'arrête une semaine. J'ai une amie qui vit là-bas, qui est une amie tchèque, qui a vécu longtemps à Paris. Et puis là, elle a... Il y a un an, elle en avait un peu marre, donc elle est rentrée à Prague. Donc du coup, ben... Après, je vais en Bulgarie. Je pars en prévoyant rien. Et on verra une fois là-bas ce qui se passe. Enfin voilà, pour résumer, je vais prendre des vacances. Ah bon, prendre des vacances, si les moyens te le permettent, tu as raison. Parce qu'on n'en prend jamais trop bon temps. Alors. Bon. Bon, ami, moi je te dis à mon tour à la prochaine. Eh ben oui. Et merci pour le temps passé encore une fois. Moi j'avais rien à faire avec ça, alors j'ai pas tant. Parfait. Bon, bah, bon et ben bon retour à Blois, hein, bon voyage et toi, ouais. Plus je sais pas quand. Oui, on verra. Voilà. Mais je te souhaite que ce soit agréable et que tu apprennes plein de choses intéressante. Eh ben merci mamie. Je te refais un bisou. Voilà. Bon. Eh ben oui, à bientôt. À bientôt. Au téléphone d'abord. D'accord. Et puis la veille de mon départ, c'est ma tante qui est passée chez mes parents pour me dire au revoir. Elle avait envie de comprendre un peu pourquoi je partais. Et elle a été hyper enthousiaste quand je lui ai proposé qu'on s'enregistre en train de discuter. Donc on s'est installé un peu à l'écart pour pouvoir parler tranquille. On peut se mettre là, non ? Oui, on doit pouvoir se mettre là dans ce coin. Bah, s'il y a pas de... Bah, là aussi, il y a des chaises. On peut se mettre les chaises. Allez, c'est bon. En plus, comme ça, on est un peu au soleil, c'est plus agréable. Comment tout cela a-t-il commencé ? Ah oui, c'est une bonne question, parce que c'est vrai que les gens demandent ce que je vais faire, mais ils me demandent pas comment je... Ah bah tu vois, hein. Oui, bah c'est une petite aille, en effet. Alors chose, après, je sais pas ce que c'est, la lumière. Ok, donc là, en fait, on était installés tranquillement sur des chaises en fer qui grincent, et j'allais me lancer dans un beau monologue, genre de monologue dont j'ai le secret... Quand soudain ma mère est arrivée avec un bulbe dans la main qu'elle avait trouvé dans le jardin et qu'elle a mis sous le nez de sa sœur pour lui demander ce que c'était selon elle. Le truc, c'est que je sais pas si ça se mange ou pas. Je suis incapable de te dire. Alors, c'est pas inintéressant, mais c'est pas tout à fait dans le thème de ce dont on était en train de parler. Donc, maman, j'espère que tu ne m'en voudras pas, mais j'ai coupé cette partie. Bah, t'as pas essayé de goûter quand même, si ça avait un goût d'ail. Oh, bah ça a le même goût, ça a le goût de la ciboulette, de l'ail, de ce que tu veux. Enfin, bon, oui. Donc, comment tout cela a-t-il commencé? Alors, en fait, ça remonte à un petit moment. Je pense, il y a 2 ans, j'avais commencé à me dire que j'aimerais bien à un moment passer du temps en Grèce, que c'est quand même un pays que j'aime beaucoup, où on est pas mal allé quand j'étais petite. Et puis j'y suis retournée après, bah, après la mort de Papou, j'y suis retournée plusieurs fois en revoyant justement un peu la famille. Une fois adulte, t'as plus du tout les mêmes relations avec les gens, donc je m'étais dit, bah, c'est des gens que j'ai envie de connaître beaucoup mieux en fait. Oui, j'ai envie de connaître ce pays, j'ai envie de connaître mieux cette partie de la famille, j'ai envie d'apprendre le grec parce que j'essayais d'apprendre quelques mots à chaque fois pour parler un peu. Puis l'année de mes 25 ans, j'y étais allée avec ma coloc de l'époque. Et on avait passé un séjour incroyable où tu parlais 4 mots de grec mal conjugués et en fait tu voyais les gens qui se disaient « Ah mais pour une fois qu'il y a un étranger qui s'intéresse un peu à ça, qui fait l'effort, qui n'a pas juste appris « Bonjour, merci » mais qui essaie vraiment de communiquer avec nous. » Alors du coup c'était très drôle parce qu'ils se mettaient à raconter leur vie. J'étais là « Non mais en fait je ne comprends pas hein, mais... » Mais je m'étais dit, ah bah en fait j'aimerais bien pouvoir du coup vraiment parler avec les gens. Donc je m'étais dit, il faudrait que j'apprenne. Et en fait, c'est impossible d'apprendre comme ça en France, avec personne avec qui parler. J'ai essayé de faire une licence, il y a maintenant 4 ans, j'ai essayé de faire une licence de comment ça s'appelle ça, langue étrangère appliquée. Et en fait c'était infaisable, enfin en travaillant. Et puis du coup il fallait faire des dissertes, j'étais du tout capable de faire des dissertes. Je me remettre à ça dans mon ordinateur, de faire des analyses de texte et tout, c'était plus possible. Donc bref, donc ça j'avais laissé tomber. Et du coup, bah, je me rendais bien compte que j'apprenais pas du tout le grec par moi-même. Donc je me suis dit, bon bah, faut qu'un jour je vive vraiment en Grèce pour faire ça. Et puis petit à petit, ça a fait son chemin. Je me suis dit, bah tiens, j'ai des amis qui ont fait un VIE. Je me suis dit, bah ça c'est une bonne façon de se dire, bah, je pars pour 1 an, par exemple, voilà, dans un cadre particulier, pour une durée déterminée. Et puis comme ça, après, quand je reviens, bah, j'ai juste cette expérience-là en plus, mais je galère pas sur place à trouver du travail. Donc ça me paraissait une bonne option. Et en fait, un VIE, tu dois le commencer avant d'avoir 29 ans. Donc quand j'ai appris ça, je me suis dit, bon, bah, ça veut dire que là, il faut que je me dépêche. Enfin, en gros, il y a 1 an, je me suis dit, bon, bah, il faut que d'ici 1 an, j'ai arrêté la date à laquelle je pars et que j'ai trouvé ce VIE. Et puis, alors j'ai commencé à en parler en juillet dernier à mon chef en lui disant, bah voilà, j'ai ce projet-là, je sais pas quand est-ce que ça va se faire, mais lui, il me proposait d'évoluer dans la boîte et je lui ai dit, bah moi, je pense que c'est peut-être pas le bon moment, enfin parce que je risque de pas rester très longtemps, enfin, en tout cas de prendre une pause. Et donc, j'ai pas envie qu'on me donne des nouvelles responsabilités pour ensuite partir au bout de 3 mois. Donc, je lui ai dit, bah voilà, d'ici peut-être la fin de l'année, je risque de décider de partir. Donc, on va avoir ça en tête. Et du coup, une fois que je lui en ai parlé, ça a été un peu le déclic. Je me suis dit, bon, bah, maintenant que j'ai commencé à le dire, faut vraiment que je cherche. Faut vraiment que j'avance. Et donc, au mois de juillet et au mois d'août, j'ai vraiment commencé à regarder les offres qui existaient, à contacter des gens, les différents. Il y a un organisme en fait qui gère les VIE sur place. Donc, leur demander, bah. Où est-ce que je pouvais trouver un VIE en Grèce, à Athènes? Et pff, en fait, j'avais pas de réponse. Enfin, soit les gens disaient, cette année, on fait pas de VIE. Soit les gens disaient, bon, on sait pas trop quelles sont les entreprises qui font des VIE en Grèce. Je me suis dit, bon, bah, ça a l'air d'être particulièrement compliqué. Et puis, je me rendais compte, ça me faisait pas tant rêver que ça. En fait, les offres que je voyais passer pour les entreprises qui existent en Grèce, je me disais, bon, OK, il y a des labos pharma, il y a des grosses entreprises industrielles, quoi. Et donc, je peux postuler chez eux, mais je vais me retrouver à faire un boulot qui sera sûrement moins satisfaisant que celui que j'ai à Paris. Et je vais me retrouver à bosser, voilà, 40 heures par semaine au minimum. Donc, est-ce que vraiment c'est ça que j'ai envie de faire? Et en fait, je me suis assez vite dit que non, c'était pas du tout ce que j'avais envie de faire. Enfin, que j'avais envie, au contraire, d'avoir beaucoup de temps pour pouvoir apprendre la langue, pour pouvoir rencontrer des gens, pour pouvoir prendre le temps, tout simplement, de profiter de cette année-là. Et puis justement, moi j'aime aussi bien cette partie. Disons que j'ai des repères de départ, Et du coup, ça me permet de me dire, bah, j'ai pas besoin de prévoir le reste et je verrai bien ce qui se passe parce que voilà, j'ai un endroit où dormir. J'ai calculé que j'avais à peu près l'argent pour tenir avec certes le strict minimum, mais au moins j'ai ça. Je peux tenir plusieurs mois. Bon, bah ensuite on verra. J'ai juste l'essentiel qui est assuré et donc après je peux me permettre de laisser les autres choses arriver au fur et à mesure. Ça va être bien. Bah, ma foi, hein, bonne chance. Hein, je ne peux que te souhaiter voilà, de faire les rencontres qui te conviennent en fait. Hein, et puis arriver à développer tes projets à toi, quoi. Ben voilà, c'est pas seulement une chambre à soi, tu vois, parce que je viens d'acheter le bouquin de Virginia Woolf. Oui, une chambre à soi, tant que j'en entends parler. Mais je me dis, il y a la chambre, ça je l'ai, ma chambre à moi. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Une chambre à soi, c'est aussi une vie à soi, enfin une vie qu'on construit soi-même. Et plus on peut avoir la main dessus, mieux, enfin, plus c'est satisfaisant quand même. Ouais, c'est clair. C'est marrant parce que ce bouquin, oui, moi aussi, j'ai envie de le lire et ça fait partie des concepts qui me nourrissent beaucoup. Des références. Et des références que j'ai aussi pour imaginer justement cette année, en me disant, là, c'est du temps que tu prends pour développer une autre partie de ta vie que t'as pas consacré beaucoup de temps jusque-là. Bon, écoute, hein. Voilà, bon ben donc je donnerai des nouvelles. Si tu fais un blog, tu le dis. Ouais, complètement. De toute façon, déjà, Anne et Isa m'ont dit qu'elles voulaient pouvoir avoir des nouvelles, donc je pense que je vais faire un truc où j'envoie le lien à tout le monde et comme ça, vous tenez au courant quand vous avez envie de savoir un peu ce que je deviens. Bon, ben voilà. C'était pas assez difficile de faire ce montage, j'y ai passé seulement 3 jours. 4 jours. Oh. Bref, merci à tous les participants plus ou moins volontaires à cet épisode. Merci infiniment et plus encore à Rémi, Clara, Claire, Axel et mon frère pour leurs encouragements, leurs conseils et leurs retours précieux. Et puis honnêtement, c'était en fait assez marrant de faire ça, donc je vais continuer à fabriquer des petits épisodes avec mes petits doigts.